Energy Music Awards 2013. On y est, soyez les bienvenus. On est sur le yacht Energy dans le port de Cannes à Biscioting. Merci d'être là, c'est Lionel au micro jusqu'à 18h pour vivre cette grande journée des Energy Music Awards 2013 avec devant le yacht un public en délire ici à Cannes. Et avec sur le bateau toutes les stars énergie qui vont passer tout au long de l'après-midi. On attend tout à l'heure Alicia Keys, Emily Sandé, Birdie, Kinvé, Amel Ben. Vous allez pouvoir gagner vos places ici sur le bateau pour les Energy Music Awards 2013. Les toutes dernières places pour assister à la cérémonie ce soir en direct sur Energy et TF1 à partir de 20h50. Et si vous êtes aux quatre coins de la France et que vous nous écoutez, vous pouvez lâcher vos messages, poser vos questions aux artistes qui sont avec moi tout au long de l'après-midi. Vous allez sur la page Facebook d'Energy, vous allez sur le Twitter, hashtag Energy Hit Music Only. Ma page Facebook, c'est Lionel Energy. Et en première invité, Camille, Camilou de 1789, les amants de la Bastille. Je suis ravie. Première question, Camille. Est-ce que tes petits copains sont encore en train de dormir? Que se passe-t-il? Alors, Louis était censé venir avec moi, mais il répète. D'accord. C'est lui qui travaille, c'est lui qui fait tout. C'est la grande période des balances. Voilà. Non, parce que j'ai dit à Manu et toute l'équipe du 6-9 de partir, parce qu'on allait accueillir toute l'équipe de 1789, les amants de la Bastille. Au final, il n'y a que Camille. C'est un plaisir de t'avoir avec moi ce matin. Merci, c'est gentil. Le spectacle a cartonné. Il y a eu 250 000 spectateurs à Paris. Vous allez retourner à Paris à partir du 7 novembre. La tournée passera ici dans la région les 15 et 16 juin au Palais Nicaille à Nice. Il y a une tournée début février dans toute la France. C'est un succès, donc j'allais dire, même si ce soir vous gagnez pas, c'est déjà cool, quoi. C'est déjà mortel. Ben écoute, oui, mais bon, on serait bien content de gagner quand même, parce qu'un award, c'est... voilà, quoi. Il y a deux nominations. Il y a troupe francophone de l'année, il y a chanson francophone de l'année. Vous avez sûrement voté sur energy.fr. Est-ce qu'il y a de la pression? Oui, c'est, l'année dernière on l'a fait, j'étais cool, tranquille, en plus c'est pas moi qui chantais, donc tout allait bien. Et là c'est moi qui me retrouve à chanter avec Louis, du coup je suis un peu comme ça, j'ai un peu les ch'touilles, mais on verra. Alors qu'est-ce qui se passe ce soir justement? Tu chantes avec Louis? Je chante avec Louis, oui, on chante tous les deux le titre Tombé dans ses yeux. D'accord. Et je chante sur la collégiale avec tous les artistes pour Patrick Bruel. D'accord. Voilà. Et Louis, je fais un duo, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Vas-y, on balance tout. Je sais pas. On balance tout, mais oui. Non, je dirais pas. Ah, il y a des surprises. Tu veux dire qu'il y a des surprises? Voilà. On va bon, déjà, on saura qu'il y a une collégiale pour. C'est quoi? Avec Patrick Bruel? Oui. D'accord, très bien. Donc ça, c'est ce soir, 20h50 sur Energy et TF1. Ne ratez pas d'ailleurs le début du show, parce que je crois qu'à 20h50, il y a un Gangnam Style Party géant avec Nikos et avec surtout Psy qui sera devant le Palais des Festivals. Ça démarre sur le tapis rouge. Vous envoyez vos messages par SMS aussi. Vous tapez Energy, votre message au 611-12. Facebook, je l'ai dit. Twitter, c'est important. Lionel Energy, c'est mon Facebook. Donc allez-y, n'hésitez pas. 1789, les amants de la Bastille, est avec nous en la présence de Camille Lou. On parle avec vous jusqu'à 18h et puis on va se retrouver dans un instant avec Big Ali et la section d'assaut sur Energy. À tout de suite. 2012 était plein de hits. Energy les a tous joués. Vous êtes la meilleure radio du monde. Bring the action. Pour 2013, on est déjà sur le coup. Will.i.am et Britney Spears, Bruno Mars, Pitbull et Christina Aguilera. Energy 2013, it's music only.